C'est toujours pour l'amour qu'on devient fou. Ça doit être plein d'amour parce que c'est plein de fous tout partout. Comme si on avait tous peur de se dire qu'on a du mal à naître, à se regarder mourir comme un sage. Monde dans les nuages, monde à l'étage, viens voir le paysage. Tu sais que je me trompe, puis tu me dis rien. T'es prêt, t'es loin pour te rejoindre, faut que je marche ses mains. On oublie trop souvent qu'on est. Thank you. nous aider à changer d'air. Le vrai vient quand il peut. S'il était seul à pouvoir tout changer, c'est fou quand on aime, la mort n'a jamais existé. Thank you.